T'es un autre voleur d'emploi, toi. Hé, attention! Attention avant de me juger, parce que... voleur d'emploi, c'est exagéré dans mon cas. Comment ça? Ah, ben là, c'est un peu l'histoire de ma vie. Allez-y. Je vais vous raconter un peu... Oh, c'est une anecdote. Très savoureuse. Non, mais moi, je pourrais pas. Monsieur le juge, je pourrais jamais être un voleur d'emploi. Comment ça? Parce que j'ai de la difficulté à voler de mes propres ailes. Croyez-vous que je vais voler des emplois? Voyons donc! On est toujours en train d'accuser le peuple qui ne peut pas réagir. Le plus faible et le plus faible, maillon faible de la société, madame, mademoiselle, monsieur, c'est moi-même! Oh! Comment vous faites pour vivre avec tout ça? Oh, je fais très bien. Je me valorise dans les petites choses. Lorsque je me fais couler de l'eau, hein, c'est bien sûr dans un verre, mais je fabrique également mes propres produits pour faire couler cette belle humidité qui vient de mon robinet et que j'appelle amoureusement. Et là, quand je vous dis amoureusement, approchez-vous, madame, êtes-vous prête à entendre ça? Je l'appelle la chante-pleure. La chante-pleure. Moi, cette affaire-là, je manque, monsieur le juge, et excusez-moi, hein, je suis ainsi, je manque de vocabulaire. C'est important d'en avoir. Et de deux, je manque aussi de réflexion lorsque je dis des mots aussi ressentis, aussi forts que les miens. Mais ça dépasse ma pensée, monsieur. Alors ne croyez pas, citoyen ordinaire et moyen ordinaire, et surtout extraordinaire, que je suis un voleur d'emploi, même si nous avons 4% de chômage au Québec. Quatre chômages, oui. Un chômage, deux chômages, trois chômages. Non, non, c'est pas 4 chômages, c'est 4% de chômage au Québec. Selon mes grands livres, là. L'illettré, l'encyclopédie l'illettré, connaissez-vous ça, vous? Ah, mon Dieu, moi, je sais même pas de quel bord on peut ouvrir un livre. Mais moi, je te conseille fortement de commencer par la première page. Ça fait intellectuel. Alors, on te juge pas, parce que rapidement, hein, on arrive à pointer du doigt l'individu qui ne sait pas manipuler un livre. Mais là, c'est encore pire. On est bientôt en 2020, là. Mais si en 2019, fin 2019, t'es pas capable de manipuler une tablette électronique... Oh, tu seras jugé devant tes frères, tes sœurs et les autres. Mais les pires, c'est les autres, hein? Parce que les autres se sont jamais... Non, ça va revenir, madame. Les autres n'ont jamais réfléchi sur eux-mêmes. Alors, comment peuvent-ils avoir un droit de parole sur des personnes qui tentent de frayer leur vie, même pas frayer, de poursuivre leur vie comme ils le veulent, à leur manière? C'est facile de juger. Tu facile, pas besoin de fusil, tu facile de juger. Oui, est-il facile de juger? Oui, est-il? Il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Comment ça, on a un fond d'avorton? Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Oui. Robert? Coincé dans le micro encore une fois. Ça m'est arrivé 3 fois depuis l'émission, là, depuis les débuts, et je sais pas comment me déloger. C'est bien beau avoir un micro de haute performance. Quand t'es coincé dedans, qu'est-ce que tu fais? T'attends l'animateur. Puis là, quand tu vois pointer une bouche, tu souhaites que ce soit la bouche, là. C'est la bouche. La Kate Bush, là, la chanteuse qui t'arrive devant toi et qui te murmure des chansons qu'elle a composées elle-même dans sa tête des plus imaginatives. Mais non, c'est Clermont Gauthier, technicien. On lui a dit, ah, le micro fonctionne pas bien, on dirait qu'il est bouché. Il est pas bouché, je suis dedans, je suis bloqué dedans! Monsieur! Mademoiselle, aidez-moi, aidez-moi, je vais pas passer l'année là-dedans, moi, là, là. Ça, non, c'est beau, c'est assez chauffé. Ah, je suis pas en train de cuire, je suis pas en train de mourir non plus réfrigéré, je me sens confortable. Pour dormir, c'est bien parce qu'ils ont mis une petite housse pour protéger du vent quand les gens parlent, hein. Mais là, c'est tellement vieux, ce micro-là, il y a tellement de salive, que, non, mais c'est vrai que une fois pris à cet endroit si petit, si minimaliste, et n'ayant pas rien pour se mettre sous la langue, ben, on est bien heureux de se retrouver devant des postillons, et on ne sait pas de qui provient ces merveilleuses gouttes. À la senteur, quand même, selon moi, là, c'est un animateur du matin, non pas du soir. Puisque ça sent le café. Ouais, la couleur, là, c'est café. Couleur café, que j'aime la couleur café. Un, deux. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Mais ça fait fou l'effet que ça fait. Quand je vois rouler ainsi des yeux et des hanches, tu me fais comme le café. Rien qu'à m'exciter, rien qu'à m'énerver. Ce soir, la nuit sera blanche, couleur café. Non, c'est pas ça. Ouais, mais lui, là, ça doit être 6 sucres, une crème. Ou elle, je veux pas non plus avoir placé un sexe là-dessus. Mais je me sens un peu confiné. Un peu comme un parti politique dans lequel il n'y a pas assez de personnes pour trôner. Trôner, mais là, moi, je trône assez bien ici, là. Même, je me sens hyper confortable, plus confortable que sur mon fauteuil, dans mon fauteuil. Pas sûr, mais dans mon fauteuil. Ben, je suis pas souvent à l'intérieur de mon fauteuil, mais sur mon fauteuil, c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas devant ou derrière, par-dessus, par-dessous, tu n'as pas plein de poils partout. Non, non, c'est en tout cas, je suis confortable. Et puis là, le technicien, pas sûr qu'il va arriver là, moi, là. Fais-tu des heures supplémentaires, ce gars-là? Ça peut être une femme aussi, là. Pas là pour juger encore, là. Ça fait que... on va essayer de trouver un moyen de sortir d'une manière, convenable, quand même. Et de deux... attention, inaperçu. Je veux pas qu'on me voit sortir du micro parce qu'on va m'en parler. Les journalistes vont être sur moi. Demain, c'est les journaux à potin. Ah, Reynald Gagné coincé dans un micro. Que faisait-il? Où était-il? Pourquoi s'est-il trouvé dans un endroit aussi étrange? Quoique, son émission l'est tout autant. Aujourd'hui, le lundi 9 décembre 2019, ça en fait des neuf, madame mère. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ah, merci, hein, t'es vraiment serviable. Hey, serviable, dis pas des mots que je comprends pas, moi, là. Serviable, ça sonne à mes mots comme céréales, sérénales, céréales killer. Ça veut dire, là, serviable. Peux-tu me le raconter? As-tu assez as-tu des mots pour accoter, pour envelopper, pour entourer ce mot? Serviable. Serviable. Ça vient-tu de du mot serviette? Ah, prends la serviable, là. Pas la serviable noire, la serviable blanche. Ça ressemble pas à ça, hein? Serviable. Viable. Ah, votre enfant, là, votre... Non, votre fœtus est viable. Oh, jusqu'à 42 ans, là, il va coller à la maison. Ça va coller. Vous allez en avoir, là, il ne ferait pas de moi avec ça, vous, là. Ah non. Je sens que c'est un fêteux, très fêteux. Ça va vous coûter cher. Oui, madame. C'est parce que lui, il est confortable là-dessus, là. À l'intérieur de votre bedaine, là. C'est confortable. Saviez-vous que on parlait de chauffer dans le micro, là? Avant le générique, on disait, hein, bon, on est bien, on est confortable, là, quand même, dans ce micro. Mais, qu'est-ce qu'il va... Ouais, c'est ça. Dans votre... c'est pas poli de dire, Alors, dame, dans votre ventre se cache... Des joyaux pour être confortable. Il fait noir. Hein? Il fait noir. On est dans un liquide, donc on flotte. On respire pas déjà là. C'est le cordon, là. On respire pas. On a la chance que l'on respire pour nous. On a la chance que l'on mange pour nous. On a la chance que tout le monde soit, tourne autour de nous. Je suis même pas sorti, moi, là. Puis qu'on me flatte, on dit, t'es belle, avec ta bétaine, c'est beau, une bétaine, une femme enceinte, c'est beau, là. Ah, la sainteté, c'est beau, mais c'est pas une sainteté, c'est une femme qui est enceinte. Ça n'a rien à voir avec la sainteté, ça. C'est pas très sain, là. Si elle le fait en dehors du mariage, c'est une diablesse. Et qu'on la lapide. Et es-tu malade, toi? Lapidé, voyons donc. On est en 2010, on ne lapide plus. On admire. On dit continue. Hey, on lui prépare des chèques d'avance, là, pour... comment t'appelles ça, non? Des chèques d'enfants, là. Non, souvent, ils ne sont pas destinés aux enfants, ils sont destinés aux parents pour quand même sortir un peu du quotidien. Des allocations familiales. Des allocations familiales. Moi, j'ai écrit au gouvernement, puis il m'a pas répondu. Ça, c'est une génération hein, qui mentionne le mot ils n'ont pas répondu. Au lieu de dire ils n'ont pas répondu. Non, ils n'ont pas répondu. Hein. Ils n'ont pas répondu, puis c'est pour ça que j'ai utilisé le téléphone, bien plus simple. Moi, quand j'ai. J'ai pas fait l'étude en textologie là, à l'Université Laval. Monsieur? Oui. On ne dit pas en textologie. On peut dire en création littéraire, mais pas en textologie. Ah, ben moi, j'ai pas fait de cours, moi. Ah non. Ben j'ai fait des cours d'école, j'en ai fait. Hey, c'est moi, le gazon, là. C'est le gazon. Le gazon, oui. Quand c'est le gazon bleu pâle, c'est moi, ça. J'ai sorti des sentiers battus parce qu'on en a ras-le-bol du vert. Quoique je ne suis pas un golfeur, là, on sait que le verre est important. Et pour les gens de bar aussi, le verre. Le dernier verre. Toujours le dernier, hein? C'est pas le dernier que j'aurais dû freiner, c'est le premier. Parce que c'est un qui c'est le premier qui enchaîne les autres. Puis là, je me sens comme obligé d'y aller. Ouais, allez-y, quittez. Non, mais je quitterai. Mais le gouvernement a livré que les bars ferment à 3 heures du matin. Donc, je sortirai à 3h du matin. Ouais, mais chez nous, c'est autre chose, là. C'est pas autre chose. Hey, bon, hey, moi, j'ai la feuille. T'as un peu son sort, moi, la feuille. Ça, regarde. Ici, dans la belle. Moi, je suis un fonctionnaire d'État, moi. J'étais entendu là actuellement. J'étais dans tous mes États. Écoutez, ben, m'en va rester, puis m'en va vous lire. Alinéa 37 de la feuille 72 du Code rénal, ça dit. Et je cite, t'es-tu malade? Non, t'es-tu testuellement? Parce que si tu lis textuellement, les gens vont te croire. Si tu narres et t'improvises, les gens ne croiront pas ce que tu veux dire. Bon. Alors, le boy! Boy, biba, biba, biba, biba, boulouba. Biba, boulouba, bibi, baba, tout le flouté. Non, abba, oui, c'est bien beau, abba, là. Je l'aime, le groupe. Toutes les chansons sont brûlées. Mais une fois l'occasion, mais pas trop souvent, là. T'es connais par cœur. Tu sais à quel endroit où la chanson va à cause du ah, tout. Hein, non, mais le 33 tours, moi j'ai un 33 tours. D'abord. À bas l'économie. Alors, donc, c'est indiqué, noir sur blanc, imprimé sur du papier cellophane. Oui, cellophane, moi. Ça reste plus longtemps. Quand il pleut, ça dégouline pas. Ça imprime in vitam paparman. Alors, tous les bords. Attention, tous les bords du Québec, là, on parle pas d'Ontario, les Ontariens, eux autres, oh monsieur, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, là. C'est ici que ça se passe, les parties. Le lundi soir, à 3h du matin, c'est fou, là, c'est plein de monde. Les restaurants font de l'argent. Les théâtres sont obligés de rester ouverts à 3h. C'est le Las Vegas. Québec, là, c'est le Las Vegas de la place. Il n'y a pas assez de restaurants. Pas assez de salles de théâtre, il n'y a pas assez de concerts, il n'y a rien d'assez pour assouvir nos envies de s'amuser. Alors, c'est pour ça que c'est indiqué. 3h du matin, pas 15h, 15h c'est l'après-midi, là, hein? 3h du matin, tous les bars doivent fermer leurs entreprises, tous les vols, afin de laisser partir le citoyen pour qu'il puisse digérer leur consommation et être fonctionnel. C'est écrit fonctionnel. Ils en ont mis des L à fonctionnel. Ils ont écrit ça à 3h. Fonctionnel et monsieur, je crois. Ça doit être le L qui a bloqué sa touche IBM, IBT. Il était embêté, lui, il touchait même plus, puis les L apparaissaient. Jésus a changé l'eau en vin. Moi, je fais des L éternels. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Wow! Ils s'en passent-tu les choses à Québec? Pas au Québec, mais à Québec. Pour ça, je reste ici, moi. Moi, j'ai toujours dit, le jour où la ville de Québec ne me mettra pas à dehors, je resterai dans ses enceintes acoustiques. 100 watts. Ça compense pour ce que j'ai pas. 100 watts? Ce que j'ai pas! T'as compris-tu? Ouais. Pas grand-chose qui se passe, là. Mais je crois bien qu'à partir de maintenant, c'est comme Québec la nuit. Ça va brasser. Love is so dark, rest in the dark. Sur la terre. Oui, attention, levez les mains s'il vous plaît. Non, mais on n'est pas. Non, c'est pas un vol à mer armée, là. Non. Non, c'est un ralliement humaniste. Levez les mains. Vous êtes à la radio. Bon, on vous voit pas. Au pire, vous êtes entre amis ou dans votre véhicule. Il y a une lumière rouge. Levez les mains et dites paix sur la terre et sur la tête fromagée. C'est important, la tête fromagée. Parce que si tu manges jamais de tête fromagée dans ta vie, comment tu peux te constituer une tête encore plus importante que la tête? Mais quoi que, si tu n'as pas de tête, tu ne peux pas avoir de cerveau, mais... L'important, non, c'est pas la rose, c'est la tête fromagée. Si tout le monde se procurerait une bonne tranche de tête fromagée et l'étalerait sur une baguette. Mais là, pas n'importe laquelle, excuse-moi, je décroche le micro, on parle de baguette, c'est sérieux, là. Le pain, c'est primordial. Je crois que c'est le produit que tout le monde se procure. Ça doit être le premier sur la liste avant même le lait. Le pain est primordial. Si tu n'as pas de lait, il va y avoir de l'eau. Mais si tu n'as pas de pain, comment tu peux avoir de la tête fromagée? Comment tu peux rajouter quelque chose sur ton pain? Et comment tu peux le manger nature? Tu te promènes sur le... Tu trouves une bonne boulangerie, là, ça sent bon, le pain a l'air artisanal, a l'air. Mais là, c'est quand tu rentres dans la boutique que tu commences à poser tes questions. Tu mitrailles. On parlait de hold-up, là. De vol à mer armée. Tu mitrailles de questions. Est-ce que vous prenez votre baguette congelée et vous l'étuvez et par la suite vous le faites cuire? Est-ce que vous partez du principe même que la baguette doit se faire de la farine jusqu'à la cuisson et dans mes mains, pour ne pas dire dans ma bouche, est-ce que ça doit partir du début? Êtes-vous consciencieux, madame, dans votre entreprise, pour nous donner la meilleure baguette qui soit? Hey, là, quand tu touches à ça, à ce point important, tu auras des réactions. La vraie boulangère ne se gênera pas pour se lever devant vous, se cambrer, monter le menton. Monter le menton, c'est bien parce que le menton doit être monté. Vous ne le saviez pas. Le menton qui courbe, c'est un menton soumis. Le menton levé, c'est un menton fier de dire « Oui, monsieur, je me lève à 3 heures du matin pour placer de la farine dans un bol et tous les ingrédients, la levure, l'eau, je ne dirai pas ma recette secrète, et par la suite, je place ça. » sur des moules et j'enfourne. Hey, ça, c'est bien. J'enfourne. Quand elle dit ça, là, elle fait même le geste. Oh. Vous enfournez souvent? Tous les matins, j'enfourne. Le soir, le soir, je veux rien. Ça, je prends un tout petit bain, mais avec juste un petit peu d'eau. Juste pour me tremper les fesses, ça me relaxe, moi. Les fesses dans l'eau chaude, là, c'est comme si je me pouponnais, moi. Monsieur, je reviens à l'enfance. Je reviens. Même pas. Et la chanson qui me revient sans doute à la tête, pas sans doute, mais me revient, c'est. Je reviens me chercher. Je me repuise moi-même. Effectivement, monsieur, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Je fais de la régression. Donc, je retourne dans un état qui s'appelle un galop végétatif. Et quand exagère pas, toi là. Non, mais je suis plutôt fêteux. Fêteuse. Donc, dans l'état fêteuse. Après ça, une fois que je suis très relaxé, je me lève même pas de mon bain, je l'évite. Ben, j'évite pas mon bain, là, je suis dedans, mais je monte par des symboles astraux. Exact. Si je prends pas de l'eau pure et tout à fait consommable, c'est certain que j'ai des problèmes également au niveau de... Oui, à ce niveau. Très intense, très, très intense. Même si j'écoute mon chanteur préféré, ça ne revient pas. Je souffre énormément parce que c'est des halos de douleur, des halos de douleur. Pas au-dessus de la tête, au niveau du ventre, qui te tournoie le ventre. C'est comme si un boa restrictor, hein? Il y a un serpent restrictor qui te restrisse. C'est pas triste, mais c'est très heureux que tu restes vivant malgré un boa restrictor qui te restrisse le bas-ventre. Parce que là, le bas-ventre est comme... il torve. Ouais, c'est des mots que... Ouais, j'aime bien ça, le mot torvé. Qui torve. Là, ça torve, ça tourne, ça rentre dedans. Un peu comme quand je pétris le pain. Et puis, il faut se laisser l'éviter. Il faut éviter le côté commercial. Moi, je suis artisanal, heureuse de l'être, parce que c'est moi, Gaétane Sauvageonne, boulangère, Gaétane Sauvageonne. Eh oui, je sais, ça paraît étrange, on a ri de moi souvent. J'étais dans les Grands Prix avec Manon des Sources. Ça vous dit quelque chose? Manon des Sources. Marcel Pagnol. Je l'ai connu, moi. Pas Marcel Pagnol, mais Manon des Sources. Pourquoi on l'appelait Manon des Sources? C'est qu'elle avait bloqué la source. C'est pas une... Elle est pas folle. Elle a vu qu'on avait tué son père. C'est de l'ignominie. C'est de l'ignominie. Baby was a black sheep, baby was a whore. Aujourd'hui, le... Pardon? Madame, tu... Oui, je sais... Ouais, vous êtes au... On va le... Faites-vous-en pas, madame. Ben oui! On va vous la faire jouer! On vous le promet! OK! Après... Continuez à nous écouter, hein. Vous êtes la meilleure auditrice de ces coins réels et des rationnels d'IEL. Merci beaucoup! On vaut le jeu! Oui, on l'aime aussi! Patti Smith! Ah! Révolutionnaire! Draws me in, makes me come on. so ceaselessly. Could it be he's taken over me? That he is levitating with she. La de Noaï, I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid air, I spin. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Aujourd'hui, le lundi 9 décembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami, l'incroyable, l'incontournable Arnaud Bescourt. Arnaud est un amoureux de tout, de la vie, de la peinture, de la musique, de Jacques Brel. Donc, je vous présente ce soir la suite de la fuite. Oui, parce que la semaine dernière, Mme Thibodeau, l'avez-vous entendu la semaine dernière? Hey, c'était beau. Tout le monde pleurait à la fin hein, quand tu chantais. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Eh bien, la suite va ressembler étrangement à ce que nous avons entendu. Il y a déjà 7 dodos. Laissons la place et surtout la lumière sur mon ami Arnaud, car il le mérite très bien. Il a le talent pour. Voici Monsieur Arnaud Bescourt. Errance rénaldienne. Il est toujours une morale à mes paroles, à mes chansons, mais croyez bien que je ne suis pas l'homme de toutes les vertus. Imperfection qui se fait cher, je ne vaux pas mieux que mes frères, mais je me dois de déclamer ce que mon cœur livre tout bas. Alors je me fais messager de ces valeurs qui s'évaporent et qui guident souvent ma plume avant même de m'épancher. Quelle surprise fut la mienne lorsque pour la première fois je laissais transpirer ma plume qui parfois me montre du doigt. Alors prenez ou méprenez le fruit de tant de mes émois. Prenez ou méprenez-moi, pesez le cœur de votre effroi. Il est toujours une morale à mes paroles, à mes chansons. Mais c'est à vous que je le dois, c'est vers vous que je puise en moi. Je suis un homme d'infortune qui pleure souvent dans le froid. Mais de livrer mes inquiétudes me libère souvent de ce poids. Il est toujours une morale à mes paroles, à mes chansons. Mais croyez bien que je ne suis pas l'homme de toutes les vertus. Imperfection qui se fait chère, je ne vaux pas mieux que mes frères. Mais je me dois de déclamer ce que mon cœur livre tout bas. Alors je me fais messager de ces valeurs qui s'évaporent et qui guident souvent ma plume avant même de m'épancher. Quelle surprise fut la mienne lorsque pour la première fois je laissais transpirer ma plume qui parfois me montre du doigt. Alors prenez ou méprenez le fruit de tant de mes émois. Prenez ou méprenez-moi, pesez le cœur de votre effroi. Il est toujours une morale à mes paroles, à mes chansons. Mais c'est à vous que je le dois, c'est vers vous que je puise en moi. Je crois en vous, je crois en toi. Je crois en nous, je crois en moi. J'aimerais que l'on se rencontre avant de partir d'ici bas. Mais toi, quand tu écris une chanson, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Les deux. Les deux. Une chanson, c'est pas une poésie. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, au début, j'écrivais mes chansons comme j'écrivais un poème. Et ça n'a absolument rien à voir. Rien. Une chanson, c'est de la musique. Donc les mots, ils chantent. Les mots, ils doivent être percutants, assez courts la plupart du temps. Parce que maintenant, tout est rythmé. Donc on ne peut pas caser anticonstitutionnellement dans une chanson. Donc c'est différent. Les rimes... Ben, c'est pas des rimes de poésie, hein. On met pas forcément les rimes en fin de vers. Il faut juste que ce soit agréable à l'oreille et que ce soit et que tu arrives à faire passer ton message comme tu l'entends. Donc soit tu utilises l'humour, soit tu utilises plutôt un aspect dramatique. Mais dans tout ça, il faut pas oublier que c'est chanté. Et si c'est chanté, ça doit être beau. Moi, quand j'écoute certaines paroles, ça, tu vois, il y a des mots, je me dis, non, c'est pas ce mot-là qu'il aurait fallu choisir, tu vois. Quand j'écoute les chansons de Jacques Brel, c'est, voilà, je ne veux pas dire que c'est parfait, mais je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. Oui, oui, oui. La métaphore, c'est merveilleux. Aussi. Voilà, à tous les points de vue. Et Brel, la chanson, elle mijotait dans sa tête pendant des mois, jusqu'au moment où elle était, où le moment était venu de l'écrire. Et jusqu'à la dernière seconde de l'enregistrement du morceau en studio, il était encore capable de changer un ou deux mots. C'est vrai. Ou de déplacer une virgule. Tu vois, et moi j'avoue que j'essaye de faire un petit peu pareil dans la mesure où on me dit oui, mais tu fais comme Brel, etc. Non, je fais pas comme Brel. Brel, il a trouvé la formule. Il a trouvé le mode opératoire qui, moi, me convient. Et qui permet de ne pas travailler dans l'urgence. Et où effectivement, le jour où tu enregistres ta chanson, tu n'as plus aucun doute sur chaque mot. Tu vois, elle est comme ça. Voilà, elle est finie. tu peux, moi ça m'est arrivé sur une chanson de retarder l'enregistrement pour un mot que j'arrivais pas à remplacer et qui sonnait pas bien et qui m'allait pas. Et tu peux pas l'interpréter à 100% s'il y a ne serait-ce qu'un mot qui te convient pas, tu vois. Et ça, Brel, il l'avait bien compris. Il y a des gens, ils te pondent une chanson, notamment en anglais, hein, même celui qui fait la musique, il va dire, bon, voilà, t'écris un truc vite fait en anglais, on n'en a rien à foutre, c'est sur l'amour, point barre. L'anglais, ça sonne, les Français, ils y comprennent rien, on s'en fout. Bon, mais là, c'est pas le cas, quoi. C'est du français, c'est une belle langue, le français, c'est riche, c'est l'anglais aussi, hein, l'anglais littéraire, en tout cas. Mais je veux dire, c'est tellement riche la langue française que, et c'est tellement beau quand c'est bien utilisé que franchement, je préfère passer du temps, tu vois, même sur un mot ou une expression, mais trouver la bonne, tu vois. Là, tu prépares ton deuxième album, ouais, qui va peut-être sortir. Est-ce que tu vois qu'il y a un fil, une ligne médiane avec le premier album? Est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur? Ben, si tu veux, moi j'ai toujours... moi, dans mes chansons, il faut que je fasse passer un message, tu vois. Je vais pas chanter... voilà, ouais, ou une rencontre amoureuse débile, ou tu vois, bon, voilà. Moi, il y a toujours un message derrière. C'est pas, quand je dis un message, c'est pas pour faire la morale aux gens, hein, ni rien. Hein. Moi, d'ailleurs, là-dessus, je fais un peu comme Brel, c'est-à-dire que des fois, je m'implique dans la chanson. C'est-à-dire, je vous dis ça, mais moi, je suis comme vous, quoi. Tu vois, je suis pas différent, hein, tu vois. Donc, ma dernière chanson, par exemple, je voulais faire une chanson sur... le compositeur, il me dit, t'arrêtes pas de me parler de tes enfants. Ben, fais-moi une chanson sur tes enfants. Alors, j'ai commencé à faire une chanson. 2 mois après, j'avais toujours rien pondu parce que ben, tous les chanteurs, un jour ou l'autre, ils font une chanson sur leurs enfants, qui sont souvent magnifiques, d'ailleurs, hein, qui sont souvent des belles chansons. Mais je me suis aperçu que, ben, entre guillemets, tout était dit là-dessus, tu vois. Alors, le sujet était plus vieux. Ben oui, alors bon, j'adore mes enfants, oui, évidemment, mais je veux dire, bon, tu vois, je vais rien dire de plus que les autres. Sauf que je me suis rendu compte, parce que je suis très très proche d'eux, que ben, j'ai vu des enfants déviés, moi. J'ai vu des copains de mon fils ou de ma fille mal tournés, alors que c'était des gamins adorables, intelligents. L'adolescence a été difficile. De ? L'adolescence a été difficile pour eux. Eh ben, je vais te dire un truc, c'est même pas l'adolescence, c'est les parents. Tu vois, c'est les parents. Alors, les divorcés, etc. Le père qui se barre à 1000 bornes, la mère qui se picole, tu vois, enfin bon. Et du coup, les petits gamins que j'adorais, bah, c'est devenu des sales cons. Tu vois, à cause de leurs parents. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une chanson que j'adresse aux parents. Okay. Plutôt qu'aux enfants. Ah ouais. Tu vois ? C'est l'angle que tu as pris. Voilà. Ah, donc j'ai choisi cet angle-là. Ça s'appelle Parents d'avant, d'ailleurs. Et le fil conducteur, c'est un train qui part de la gare, comme l'enfant monte dans le train et part dans le monde inconnu des adultes. Et voilà, toute la chanson, c'est comment les parents vont accompagner les enfants jusqu'au quai. Belle métaphore. Tu vois ? Voilà. Et c'est assez amusant parce que effectivement je les ménage pas, quoi. Ouais, c'est ça. Tu mets vraiment je les ménage. Tu racontes la vérité. Ben ouais, parce que je les ménage pas, et à juste titre, parce que ben, les gamins, ils deviennent ce qu'on en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Alors c'est facile d'engueuler un gamin, c'est facile de lui foutre une dérouillée, ouais, d'accord. Mais toi, tu fais ton boulot, toi. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu vois? Et donc voilà, j'ai choisi cet angle et je crois que la chanson est belle, ouais. Je crois. Avec Nicolas derrière qui m'a mis toute une ambiance de gare, de train, etc. Une sonorité, tout ça, c'est cohérent. Mmh. Voilà, ça c'est mon deuxième mot préféré, ça cohérent. C'est cohérent. Tu vois, que ce soit une toile, un poème, une chanson, il faut que ce soit cohérent. Cohérent avec toi. Pas vraiment. En peinture. Si. C'est cohérent, c'est pas le contraire de l'abstraction. Hein. Okay. Cohérent, ça veut dire que c'est en accord.

Orléans. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Picard. Que reste-t-il de nos 20 ans? Que reste-t-il de nos 100 ans? Que reste-t-il de nos 1000 ans? La terre, un univers et nous dedans, ce doux soleil de temps en temps, une planète. Un peu de mer, beaucoup de vent, trop de misère, de trop longtemps. Des eaux souillées par les abrès, nos guerres. Des ours blancs qui errent au vent, des rois d'antan qui se partagent de tout temps nos doux rivages qui saignent. Que reste-t-il de tes 20 ans? Que reste-t-il de ce présent? Que reste-t-il de tout ce temps, ma belle? Notre rencontre de printemps, ce premier baiser caressant, nos escapades dans le vent. Notre bonheur qui se défend, notre je t'aime si souvent, nos simples mais tendres moments de rêve. Et puis, il y a ces enfants, chers de ma chair, sang de mon sang, qui trébuchaient dans notre vie. Ma reine, que reste-t-il de mes 20 ans? Que reste-t-il avant le temps? Que reste-t-il? Moi, quand je fais un concert Brel, si je chante, mettons, je sais pas, 25 chansons, j'ai quand même la chance de chanter 25 tubes. Ah oui, effectivement. Ça, c'est je ne chante pas un tube toutes les 5 chansons, je chante 25 tubes, ouais, tu vois. Vrai. Donc c'est du bonheur pour les gens, bien sûr, mais pour moi c'est un régal. Ah ouais. C'est pour ça que, voilà, c'est ce que je dis toujours, bon, j'aimerais que mon album perso fonctionne. Ah ouais, s'il ne fonctionne pas, je reste avec mon ami Jacques et on sera très heureux tous les deux. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Est-ce que tu te consacres à la peinture? As-tu un schéma? Exemple, au mois de juillet, tu vas faire de la peinture. Au mois de mars, tu vas écrire de la poésie? Non, non, non. Mais je programme rien, jamais. Alors, les concerts, il n'y a que les concerts qui sont programmés. Oui, non, mais moi, au niveau artistique, je ne programme rien. J'ai uniquement un objectif. Voilà. Donc l'objectif, ben je l'atteins avec à mon rythme, mais je l'atteins, je pense. Effectivement, mais est-ce que c'est difficile d'écrire sans se répéter? Non. Bon, non. Non, moi je non, je trouve pas. Par contre, je veille à ne pas me répéter. Par exemple, je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas deux de mes tableaux qui se ressemblent. Je vais dire pourquoi, c'est que ça m'emmerde. Tu vois ? Je vais pas me dire c'est beau, je vais faire le même en changeant ça et ça. Une fois qu'il est fait, moi il me faut autre chose. Ça m'intéresse plus. Tu vois ? Donc, ben pour l'écriture, c'est pareil. Si j'ai fait un poème sur le rat qui traverse la rue des Abbesses, j'en referai pas un deuxième, quoi. Tu vois ? Le sujet est déjà épuisé. Le sujet, voilà. Parce que, et c'est important ce que tu dis, parce que j'essaye effectivement, même si c'est au travers d'une page ou de 15 vers, de faire à mon niveau le tour du sujet. Donc c'est pas la peine d'y revenir. C'est tout l'avantage de l'écriture. L'écriture permet d'aller plus loin dans sa réflexion. Parce que les choses sont matérialisées. Je parle avec toi, mon cerveau fonctionne, on raisonne, on avance. Mais il y a un moment où, tu vois, il y a un moment où le cheminement va plus pouvoir aller plus loin. Là, ça sera plus cohérent, c'est ça ? Ça sera plus cohérent. C'est pas ça, c'est que tu ne peux pas aller plus loin dans ta réflexion. Okay. C'est épuisé, voilà. On est rendu au bout du sujet, on passe à autre chose. Que quand tu écris les choses, ouais. Quand tu écris les choses, tu peux faire défiler tes idées de manière à les faire avancer toujours et à revenir en arrière pour continuer ta réflexion et la pousser plus loin. Que quand tu parles, tu peux pas faire ça. Non. Tu vois ? Donc l'écriture permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi et des autres, je pense. Est-ce que tu puisses toujours des choses qui t'étonnent ou qui m'étonnent, qui me chagrinent, qui me font marrer, qui m'interpellent. Alors évidemment, je suis dans un monde artistique, donc on cherche un petit peu des choses étranges, tu vois, on rencontre des gens, c'est même pas des gens, c'est des créatures, tu vois, on rencontre des gens complètement disjonctés. Voilà, complètement disjonctés et qui s'assument ou qui s'assument moins ou qui bon. Voilà, moi j'aime ces personnages, chez Michou, je suis comme un poisson dans l'eau, même si je suis pas transformiste, même si je suis pas homosexuel. On s'adore, je les adore, ils m'adorent, et on s'entend à merveille parce qu'il y a du respect. Oui, c'est ça. Le respect, c'est très bien. Il y a du respect. Et ça, voilà, ils aiment ce que je fais sur scène, moi je les trouve fabuleux aussi. C'est de l'admiration mutuelle, c'est du respect artistique, et c'est ce que beaucoup d'artistes n'ont pas compris, c'est qu'il ne faut pas jalouser les autres. On est comme on est, hein, on peut pas. Il faut pas les jalouser, il faut juste se trouver soi en fait. Ouais. Puis être soi-même. Ben, il faut se trouver soi-même. Soi et être soi-même et pas tricher quoi. Es-tu surpris lorsque tu écris de la poésie de voir le résultat fini? Ouais. Et de dire c'est moi qui ai écrit ça, c'est quand même. Parfois, ouais. Pour une toile aussi? Ouais. Ouais, ouais. C'est ça qui est étonnant. Mais je ne l'exprime pas. Hein. Je vais pas dire. Oui, ça reste juste dans ma tête. Je dis pas, mon Dieu, que c'est beau. Hein. Donc, c'est vraiment un art qui va puiser en toi des choses que tu ignorais. Ah, mais complètement. Alors, oui, Parfois. Oui, parfois. Après, moi, ça fait des années, que je... J'allais dire que je suis en quête, tu vois. Mais je veux dire, depuis que je... Bon, j'ai évolué dans ce milieu-là aussi, mais... avec ma mère, avec mes tantes, etc. Mais je veux dire... Oui, je suis toujours en quête d'un équilibre physico-spirituel, tu okay. vois. Et bon, voilà, comme tout le monde, j'ai eu des drames dans ma vie. Moi, mon père est mort, j'avais 6 mois. Ma sœur est morte, j'avais 13 ans. Bon, ça forge un peu le caractère et ça fait voir les choses autrement. Le décès de ma sœur, ça a été le drame de ma vie. J'avais 13 ans, elle en avait 15. D'une longue maladie et si tu veux ça m'a permis de comprendre qu'il faut essayer de puiser le positif dans tout ce qui se passe puis d'être intense et surtout de bien comprendre que peut-être demain c'est moi qui suis mort tout simplement. Alors, ici et maintenant on en profite à 100 000 $. Donc c'est voilà, c'est ici et maintenant point barre. Moi demain je m'en fous quoi. Complètement. Des regards. Il ben, y a pas mal de gens qui me connaissent aussi dans le quartier okay. quand même. Okay, okay, okay. Moi, j'habite pas loin. Non, mais quand même, il y en a qui connaissent peut-être pas. Puis... Alors oui, oui, il y en a qui me connaissent pas et qui voient un peu Brel devant ouais. eux. Et puis ici, bon, je connais un peu, je connais quelques ouais. personnes ici quand même. Non, mais exemple, tu vas en Belgique, ou tu vas à un endroit puis tu n'es pas connu, mais juste le fait de ah, le oui, oui, oui, oui. Alors, tu en as... Mais il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Hein. Dis-moi, on vous a déjà dit que vous ressembliez. Ou un commerçant, tu vois. Oui, tu vas à la boulangerie, tu demandes un croissant. Mais on vous a déjà dit que vous ressembliez à Brel. Oui, oui. quelques centaines de fois déjà. À tous les jours. Non, pas non. tous les jours, mais si tu veux, je vois bien le regard des gens sur moi. Ouais. Dans le métro, il y a des gens, ils me regardent, je sais à quoi ils pensent. Ouais, je sais ça gêne, moi ce regard-là. Non, ça m'amuse. Okay. Non seulement ça m'amuse, mais si tu veux, ça crée immédiatement un lien avec les gens. Parce qu'il y en a qui ne diront jamais, mais qui vont te regarder. Mais ils... Ah, ils disent rien. Ils y en vont a jamais. Plein qui ouais, disent ça, rien. Alors, mais c'est drôle, des fois, même il y a des gens, ils me lancent un sourire, je leur envoie un sourire. Okay, ouais, bah ouais. Et puis on a compris, tu vois, on s'est compris quoi. Voilà. Mais c'est un bonheur parce que si tu veux, l'avantage de ce milieu artistique, et c'est ça que j'aime aussi là-dedans. Contrairement à la vie, à des métiers plus classiques, plus traditionnels, où tu vas parler à tes collègues, etc., de la pluie, du beau temps, des enfants, des trucs, des machins, du programme télé, du dernier film que tu as vu. Alors là, c'est vrai que je suis un peu même dans l'esprit de Brel, dans la mesure où j'aime pas le mot artiste. Le mot artiste, pour moi, toi, tout le monde se dit artiste, tout le monde est artiste. Bon, moi, j'aime pas ce mot-là, non plus. Je trouve qu'il c'est galvaudé un peu. Là. C'est trop facile, ouais, tu vois. Je suis artiste. Ouais, ouais. Bon. C'est pompeux aussi. Voilà, je trouve ça pompeux. Ça veut dire, moi, je fais partie de ça et pas toi, ouais, tu vois. Alors que. C'est privilégié. Pour vous. Alors que si ça se trouve, le gars à qui tu parles, il est boulanger. Il est beaucoup plus artiste que toi, il travaille mieux sa patte que toi, tu ne fais tes chansons, tu vois. Donc, je trouve ça ridicule. Là, je suis en train de faire des déviations, là, donc je ne sais plus trop où j'allais. Mais... Non, non, je te disais, parce que les gens te regardaient, là, quand on oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'être dans ce... milieu-là. Cette activité, ce ouais. milieu-là, fait que les gens attendent de toi de la folie. Tu vois ? Donc ça veut dire que il y a quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu vas pouvoir entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans des choses autres que la pluie et le beau temps. C'est ce que les gens attendent de nous. Et moi j'en profite à 200%. De chrysanthèmes en chrysanthèmes, nos amitiés sont en partance. De chrysanthèmes en chrysanthèmes, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthèmes en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème

que de mots à semer, de mots à voyager, de mots à s'envoler, de mots à révéler. Magie de l'existence, étendue de nos sens, que de mots à choyer, de mots à dévoiler. Ils se disent ici comme si, ils se disent là-bas comme ça, mais ici et là-bas, ils se disent tout bas, ils se hurlent de joie et se meurent d'émoi. Des moments de grandeur, des moments de torpeur, des monarques de cœur, des monarques de des animaux en fleurs, des animaux qui meurent, des émaux de valeur, des émaux sans saveur. Traverse le temps, que de mots de sagesse qui caressent les vents, que de mots qui ne cessent d'envahir le présent, empreint de gentillesse, en clin de firmament. Que de mots à bannir, que de mots à gommer, que de mots à haïr, que de mots à pleurer. La détresse des hommes qui ne savent aimer, que de mots à trahir, de mots à condamner. Ils se disent ici comme si, ils se disent là-bas comme ça, mais ici et là-bas, ils se disent tout bas, ils se hurlent de joie et se meurent d'émoi. Mots et mots se distinguent, croisés ou opposés. Mot à mot, ils se lisent d'un trait ou d'un baiser. Que de mots en tout lieu, que de mots à aimer, que de mots en tout temps, de mots à désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leurs collines, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé bergère, j'aime pas les brebis, ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie et ça redit oui. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite et dès que le vent se lève montrent le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder. Prends garde à te garder bergère, un jour tu vas bêler. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. C'est-à-dire que voilà, je préfère qu'on papote de peinture, de spiritualité, de tout ce que tu veux, tout de suite, plutôt que, tu vois, d'attendre 10 rendez-vous avant de se dire enfin, même je t'aime, tu vois. Voilà. Moi, c'est un milieu, je veux dire, avant, moi, j'étais quand même dans un milieu vachement macho, vachement viril, les flics, les trucs, j'étais comme eux, hein, d'ailleurs. Il faut être dur dans ce métier. Mais j'ai réappris à pleurer. Parce que la sensibilité que tu es, que moi je laisse volontairement sortir et transpirer de moi, fait que bah, tu deviens un peu une éponge, quoi, tu vois. Alors il faut pas être que ça, moi je, des fois je me protège aussi, je fais attention, mais je veux dire, quand je sens que l'instant est intéressant, je lâche tout. Voilà, je lâche tout et du coup ça permet de ne bah, de pas passer à côté de belles rencontres. Tu vois, tu te dis, ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû, pu lui dire ça, on n'a même pas échangé nos numéros, machin. Bon, il y a des gens, voilà, moi je les connais depuis une demi-heure, on se quitte, on s'embrasse comme si on se connaissait depuis 10 ans, on se dit, on est content de s'être rencontrés, je t'aime mon ami, etc. Et puis voilà, tu vois, des choses toutes simples. L'humanisme. Ben, l'humanisme, tout simplement. Ouais. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça vas-y, va. Vas-y, je t'en prie, mon Reynald. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oh, alors sans hésiter, de l'eau. Sans hésiter. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est capable de tout détruire sur son passage, mais c'est aussi c'est capable très de. C'est très violent, mais sans eau, on vit pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et l'eau, que ce soit pour la méditation, la prière, tout ça, l'eau, c'est fondamental, quoi. Si tu étais une ville. Une ville? Ah, Bruxelles. Ah ben, parce que t'avais déjà parlé, je savais que t'allais partir. Si tu étais une langue. Une langue? Bah sincèrement, bon c'est vrai, j'ai tout de suite le français qui me vient en tête, mais ouais, j'aime tellement cette langue que franchement, le français. Si tu étais une époque. Une époque. Alors j'ai le mot Moyen-Âge qui me vient en tête, mais c'est pas une belle période. C'est une belle période dans les films, mais c'est pas une belle période. Donc si j'étais une période, je pense que je serais les années 20. Okay. ou 30, tu vois. Ouais. Après la guerre. Ouais, j'aurais, ouais. C'est de ce que j'en connais, ouais, j'aurais aimé voir ça. Ouais. Si ouais. Tu étais un mot. Un mot ? Amour. Ouais. Ah ouais, c'est banal ce que je dis, mais c'est voilà, ça résume tellement tout que une fois que t'as dit ce mot-là et que t'as à peu près compris ce qu'il y a derrière, il n'y a plus grand-chose à dire. Si tu étais un aliment. Un aliment. Eh ben écoute, je serais de la tête de veau, j'adore la tête de veau. C'est vrai que c'est bon. Alors t'es pas végétarien. Je l'ai été pendant deux ans par contre. Pourquoi ? Ben je l'ai été parce que c'est juste avant d'écrire mon premier livre. On va dire que j'ai vécu une expérience spirituelle, où il y en a qui disent mystique, ce que tu veux. Ta question c'était ? Si tu étais un aliment. On parlait d'être végétarien. Oh, végétarien, ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai tellement pris conscience de l'importance de la vie. Que j'étais incapable de manger un bout de viande. Parce que tu n'as pas enlevé la vie. Je me le suis pas imposé. Hein. Je pense que ça a été une phase nécessaire dans mon évolution à moi, dans mon cheminement. Ça a duré à peu près deux ans. Je pouvais pas en fait. Je pouvais pas en manger, quoi, tout simplement. Et puis, j'ai fini par être un peu anémié, par avoir des petits soucis, etc. Parce que je complétais mal mon alimentation et petit à petit je me suis remis doucement à la viande et respectant la viande. Ben oui, en respectant la viande, exactement. Ouais, ouais. Moi ça m'arrive de remercier le poulet, quoi. Voilà, il m'a donné sa vie pour que je garde la mienne, quoi. Tu vois. Voilà. Donc je dis pas que je le redeviendrai pas d'ailleurs. C'est des cycles, exactement. Un peu comme dans la création, cycle peinture, cycle chanson. Tout à fait, ouais. Complètement, ouais, c'est vrai. Si tu étais une saison. Une saison. Ah, le printemps. Ah ouais. Ah bah oui, printemps. Une belle chanson de Jacques Brel. Au printemps. Ouais, exactement. Au printemps. Exactement. Ouais, le printemps. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, je pense que... Ouais, je serais la main. Encore le côté humaniste. La main, écoute, je sais pas, je te dis un peu ce qui me passe par la tête, hein, je t'avoue, mais je pense aussi aux concerts et aux, tu vois, les mains pour Brel, tout ça, bon, c'est super important. Et moi, j'avoue que j'ai une... j'ai développé ce sens, pour autre chose que le simple toucher, on va dire. Ouais. Et par les mains, moi je sais que j'arrive à ressentir beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de... rien qu'en touchant les objets. Il se passe des choses et je développe ça. Il suffit juste d'être... Attentif, hein? Ouais, toujours. D'être attentif, toujours. Et c'est comme ça aussi dans la création, il faut être attentif à ce qui arrive et le prendre. Exactement. Et oui, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui te passe dans la tête. Mais il faut savoir reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Voilà. Et je dis ça, je me trompe. Hein. Je me trompe comme tout le monde. Hein. Des fois, je vais droit dans le mur hein, en pensant être dedans. Mais parce que je suis trop dans la volonté à ce moment-là. Des fois, il y a des fois dans la vie, quand les concerts s'accumulent, quand la fatigue est là, quand on passe d'un hôtel à l'autre, d'un train à un autre, qu'on est tout seul... des fois, on est moins réceptif, moins à l'écoute, et moi, je me plante comme tout le monde. Hein. J'essaye en tout cas à certains moments clés, de faire la part des choses, d'être objectif et de me dire, je pense qu'il faut. Mon cerveau me dit d'aller là. Mon cerveau me dit d'aller à gauche. Mon cœur me dit d'aller à droite. Il faut que j'aille à droite. Tu vois. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Je suis pas souvent là pour le voir, mais j'adore le lever du soleil, le matin. Tu es où ? Je trouve que le matin, c'est là que, en tout cas moi, c'est là que j'ai le plus d'inspiration. Tu n'es pas encore pollué par la journée. Tu sors de tes rêves, de tes trucs. De tes... Et bah, c'est-à-dire que moi, je me couche souvent assez tard. Donc, je ne suis pas souvent là pour voir le lever du soleil. Hein. C'est sur ton oreiller. Je suis sur mon oreiller, on est bien d'accord. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce moment. Par exemple, en vacances et tout, quand il n'y a pas trop de concerts, ouais, je vais avoir tendance à me lever tôt et à vraiment profiter. Pour moi, la matinée, c'est comme l'après-midi, tu vois. C'est, les deux font une journée complète. Si tu te lèves à 11h30, tu profites que de la moitié de la journée. Quoi. Donc, j'adore le matin. Alors, pour l'écriture, le matin... parce qu'on sort du rêve, comme tu disais. Ah oui, là ça coule tout seul, quoi. Est-ce que ça t'arrive de te poser, de t'arrêter, de prendre des vacances? En ce moment, je peux pas trop. Mais non. Je peux pas trop. Le seul, si, ce que je peux faire, et c'est, j'en ai pris mon parti et ça devient agréable, c'est, je te donne n'importe quel exemple. Par exemple, là, au mois d'août, je vais chanter à Perros-Guirec une seule fois. Je vais y rester 3 jours. Ok. Voilà. Tu prends des petits moments. Ouais, ouais. Alors je vais y aller. Je vais y aller avec ma compagne. Et puis voilà, autour du concert, on va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Ah, ouais. Et j'avoue que, alors j'espère que c'est pas une drogue ça, parce que je commence à y prendre goût. Okay. Tu vois, 3 jours ici, 2 jours là, tu t'aperçois que bon, t'as vite fait le tour aussi. Bon. Ça fait 5 jours, ça fait 5 nuits, qu'au-delà du fleuve qui bouillonne, appelle la lionne. Ça fait 5 jours, ça fait 5 nuits, qu'en deçà du fleuve qui bouillonne, répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, même si elle te raconte que sa mère est gentille. Vas-y pas, Gaston, même si elle ose te dire qu'elle t'aime pour la vie. Vas-y pas, Gaston, même si elle te supplie de l'amener à la ville. Elle sera ta Manon, tu seras son décarieux, vous serez deux imbéciles. Ça fait 10 jours, ça fait 10 nuits, qu'au-delà du fleuve qui bouillonne, appelle la lionne. Ça fait 10 jours, ça fait 10 nuits, qu'en deçà du fleuve qui bouillonne, répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, arrête de remuer la queue, il faut qu'elle s'impatiente. Fais celui qui a le temps, celui qui est débordé, mets-la en liste d'attente. Vas-y pas, Gaston, un lion doit être vache, dis-lui que t'es en plein rush. Souviens-toi de Polo qui nous disait toujours « Too much, c'est too much ». Ça fait 20 jours, ça fait 20 nuits, qu'au-delà du fleuve qui bouillonne, appelle la lionne. Ça fait 20 jours, ça fait 20 nuits, qu'en deçà du fleuve qui bouillonne, répond le lion à la lionne. Vas-y pas, Gaston, même si elle te signale qu'il y en a un autre en vue. Un qui est jeune, qui est beau, qui danse comme un dieu, qui a de la tenue. Un qui a de la carinière, qui est très intelligent et qui va faire fortune. Un qui est généreux, un qui que quand elle veut lui offrira la lune. Ça fait 1h20, qu'au-delà du fleuve qui bouillonne, appelle la lionne. Ça fait 1h20 que dans le fleuve qui bouillonne, un lion est mort pour une lionne. Jacques. Jacques. Oui, oui. Jacques. C'est moi qu'on appelle? Jacques. Jacques? Oui, je suis là, oui. Jacques? Jacques. Traverse la mer en quête de meilleur, en quête de peut-être après tant de fureur. Il fuit le monstre fou d'alliages et d'alliances. Et demande d'asile et quelques pas de chance. La bête se nourrit de ses armes d'hier. Que nos alliés laissèrent au bord du cimetière. Désert après désert, défaite après défaite. Renaissent des fantômes, des pantins, des prophètes. Leur force se décuple à mesure d'hier. À force de demain, à force de terrifiés, les impies souillés par trop de rêves. Voilà le but ultime de ces hommes de fièvre. Enfin, de la muraille, enfin, de la mitraille. J'en appelle à ta foi, au sens de ta vie. Dative conclusion, dative solution. De sombres décisions ravivent les passions. Chacun porte sa croix, chacun cherche pourquoi. Au nom d'un idéal, on tue sans voir le mal. J'en appelle à chacun, chacune d'entre nous, à comprendre le monde, à se tenir debout. J'en appelle aux puissants, aux esprits de la ronde, à entendre qui meurt, à entendre qui gronde. J'en appelle aux consciences, aux humains de la terre, à défendre les arts plutôt que la misère. Le rêve n'est qu'un phare au milieu de la nuit. Mais il est le néant de ces hommes d'ennui. Enfant de la mitraille, enfant de la grisaille, j'en appelle à ta foi au sang de ta pas passer trois semaines. Oui, mais il faut se ressourcer. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais c'est vrai que là-dessus, que ce soit par la police ou le métier de détective ou quoi, j'ai appris à récupérer très vite. Okay. Je fais des pauses d'un quart d'heure, une ou deux fois dans la journée. Où, c'est quasiment de l'hypnose, quoi, l'auto-hypnose. Et un quart d'heure égale trois heures. Un quart d'heure d'hypnose égale trois heures de sommeil, quoi. Est-ce que tu arrives à hypnotiser les autres? Ah, pas du tout. Mais je n'ai aucune technique. C'est-à-dire que tu pars. Je fais. Je me connais. Ben oui, ben c'est bien de se connaître. Hein? Enfin, je me connais. Je connais ce que je connais de moi et ce que je connais de moi me permet. D'avoir ces phases de récupération. Si tu veux, quand tu es détective et que tu surveilles une porte pendant 10 heures, tu apprends même à faire des micro-siestes de 3 secondes. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois, ouais. Tu concentres tout sur 3 secondes et petit à petit, tu récupères un petit peu quand même. Ouais. Tu vois, mais il ne faut pas lâcher la porte non, 3 secondes. Quoi. Tu vois, à tout moment. Donc, c'est des métiers qui aussi qui te. Voilà, comme les marins, comme les. Tu vois, ils sont seuls sur leur bateau ou quoi, ils apprennent à récupérer très vite, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que ça, si tu veux, je suis capable. Si je sais que j'ai 20 minutes devant moi, je peux m'allonger et sans être dans un sommeil profond, quelques secondes après, je suis dans un demi-sommeil. Ah ouais, ouais. Voilà. Et tu reviens, t'es comme un peu apaisé. Ah, mais je suis frais comme un gardon. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Bon, on va essayer de pas faire une réponse convenue, mais ça va être compliqué. Un individu. On va essayer de pas dire Jacques Brel quand même, parce que c'est un peu bébête. Si j'étais un individu. Je serais un moine bouddhiste. Voilà. Je suis très sensible à Jésus, je suis très sensible à Bouddha, je m'inspire de beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. Je suis allé au Tibet, je suis allé en Inde. J'ai suivi des cours bibliques, je me suis intéressé au bouddhisme, sans en avoir fait le tour de tout ça, mais disons que le côté méditation bouddhiste et tout, voilà, c'est tellement. Ouais, ça m'interpelle. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? J'ai fait des conneries quand même. Ah ouais, mais ça nous construit, faut pas oublier, ça nous construit. Ah, j'en ai fait quand même. Mais. Tu tu as su rebondir aussi. Disons que je pense que je pourrais pas chanter Brel comme je le chante aujourd'hui s'il n'y avait pas tout ça derrière, quoi. Donc, ouais, j'aurais quand même tendance à dire oui. Et puis, c'est vrai que jusque-là, je regrette rien. C'est vrai que mes 15 années de police, à part les 2-3 dernières, c'était extraordinaire. Je veux dire, c'est en même temps, ça allie le physique, le sport, l'humain, l'intellect. Et puis voilà, du coup, moi, ça, dès l'âge de 20 ans, j'ai été élevé à l'adrénaline, quoi. Tu vois, donc la scène m'effraie, mais je sais canaliser tout ça. Et tu, comme Brel, avant de monter sur scène, vomis? Non. Non, pas du tout. Je vomis pas du tout, mais... Et tu es un traqueur? Ah oui. Mais même chez Michou, ça les fait rire. Je tourne en rond comme un lion en cage, je vais 50 fois aux toilettes, je monte 50 fois en régie, je redescends, je repars, je remonte, jusqu'à ce que ce soit mon tour. Et ouais, c'est-à-dire que c'est vrai que je comprends ceux qui ont dit ça, et Brel entre autres, j'ai tellement peur de décevoir les gens, ou de me tromper tout simplement, que... Ouais, je dirais presque que ça m'angoisse, quoi. Mais je veux dire, dans la police, j'ai eu des situations bien plus dramatiques, avec des situations de stress complètement différentes, tu vois, où là, tu sors ton arme, ou tu... Bon, je veux dire, ça n'a rien à voir, tu vois. As-tu déjà tué quelqu'un ? Non. Non, bah, j'ai été amené à sortir mon arme plusieurs fois, mais j'ai jamais eu à tirer sur quelqu'un. Mais je veux dire, c'est des situations que je connais. Et je dirais que moi, je ne peux pas vivre sans cette adrénaline, tu vois. Il y a quelques semaines, j'ai fait mon premier saut en parachute. J'ai fait je ne sais pas combien de sauts à l'élastique. La bungee? Ouais. Je fais de la moto. Alors, t'aimes ça quand l'adrénaline? Ouais, ben je pense que c'est une drogue et moi, j'en ai besoin pour me faire avancer. C'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Il me faut des... Moi, j'espère que j'aurai toujours peur avant de monter sur scène, quoi. Quand il n'y a plus de peur, c'est un signe. Ça veut dire que tu respectes les gens qui sont dans la salle. Ouais. Ça veut dire que tu te dis, tu vis pas sur tes acquis. Tu vois, je pourrais simplement me dire, si tu fais bien ton boulot, les gens ils seront debout à la fin de la représentation, comme souvent. Mais non. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire mieux à chaque fois. Le perfectionniste. Ah oui. As-tu beaucoup de projets ? De projets, écoute, oui, j'ai toujours des projets en tête. Est-ce toujours. Que tu les réalises souvent ou... Ben écoute, je te dis, au mois de novembre, je pars aux Marquises. Ça, c'est un projet, ça va durer 3 semaines. La télé nous attend là-bas. C'est un projet extraordinaire. À la fin de l'année, je m'installe avec ma compagne. C'est un beau projet aussi. J'ai mon recueil de poésie pour l'année prochaine. J'ai une autre expo vers les Champs-Élysées au mois d'octobre. Je fais en sorte que les événements, si tu veux, on peut attirer le positif comme on peut attirer le négatif. Voilà. T'as des gens, ils disent j'ai la poisse. Bon, ils n'ont pas forcément la poisse, mais ils sont tellement négatifs et ils drainent tellement de mauvaises énergies que ils peuvent pas tellement attirer autre chose en réalité. Tu vois ? Ça dépend ce que tu dégages. Exactement, ça dépend ce que tu dégages. On est bien d'accord. Et ça, c'est une discipline presque. Tu vois, mais tu arrives à être très discipliné. C'est une à discipline. Fois, ça revient souvent, hein. Ah oui, je suis discipliné. Par exemple, même avant qu'on se voit, tu vois, je me dis c'est cool. Je vais rencontrer Reynald. Enfin. Tu vois, hier soir, il y a un truc qui m'a chagriné. Bon, peu importe quoi, mais tu vois, ça me trotte un peu dans la tête parce que j'ai trouvé ça dommage comme situation.